Zot pareil pour deuxième partie, hein? En forme, en forme, en forme, en forme. Boudoum, c'est pour vous. La tu finis qu'à travailler, regardez si vous voulez y porter bas, mes amis. Travail, gade si wo, koudou y menen bap, mes amis. Yeba! Zigida! Asuyo! Balajemwen, balajemwen! Ça va bien? Si yo konen domé, kontri metan lezé. Il y veut faire y chéri, cousin m'arrête ma tropie. Depuis je vois un mamzé, et puis je vois un en ciel. C'est pour ça en pays là, là il passe au capillé. Tout pays ma peau, dans ma la. Vanille, lé, la. Et ça paraît, nous n'avons pas. Attention, continuez. On va chanter, mais allez, attention. Mais allez. Chalet. Tendresse. Plus fort, on y va. Mais allez. Chalet. Tendresse. On nous allez. Ne bougez pas. Ils sont bons là-haut. Ne bougez pas. Personne ne bouge. Attention. Nous allons faire quelque chose qui ne s'est jamais fait au zénith. Nous allons mettre le zénith dans le même tempo. Ok? Ne bougez pas. Ne bougez pas. Attention. Vous levez une seule main. Ah, ça c'est beau. Caméra, il faut prendre tout le monde là. Hein. Attention, tout le monde dans le même tempo. Attention, show. Ah, première fois ça fait 12 minutes. Sabelle, regarde la caméra. Allez pour tout le monde. Hein. Est-ce que ça va bien? Vas-y, Vivi! Tempo. Attention, ne bougez pas. Show. Je savais ça où demander. En louage, je m'en vais tant qu'à rouler, qu'à vendre tout. Éclair tellement fort et tellement fort il a déchiré tout le chemin. Attention, c'est pour vous, hein. Je c'est moi. Mais après du soleil éclairé, l'ennui de moi, c'est un seul espoir allumé chez moi. C'est cobaye qui fait. Si ni certain guérison, qu'à aider la science, arrive à la vie, l'espoir vivre. Merci. C'est et maintenant, s'il vous plaît, avec vous, Philippe Joseph. Voyez bien la maison. Oui. Joli, merci.